Chapitre 12 du livre de Tobie, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Alors Tobie appela son fils auprès de lui et lui dit : Que pouvons-nous donner à ce saint homme qui est venu avec vous ? Tobie répondant à son père lui dit : Mon père, quelle récompense lui donnerons-nous ? Ou que peut-il y avoir de proportionné à ses bienfaits ? Il m'a mené et ramené sain et sauf. Il a lui-même reçu l'argent de Gabélus. Il m'a fait avoir une épouse. Il a éloigné d'elle le démon. Il a rempli de joie ses parents. Il m'a délivré du poisson qui allait me dévorer. Il vous a fait voir à vous-même la lumière du ciel, et c'est par lui que nous avons été remplis de tous les biens. Que lui donnerons-nous qui égale ce qu'il a fait pour nous ? Mais je vous prie, mon père, de lui demander s'il daignerait accepter la moitié de tout le bien que nous avons apporté. Alors Tobie, le père, et son fils l'appelèrent, et l'ayant pris à part, ils le conjurèrent de vouloir bien recevoir la moitié de tout ce qu'ils avaient apporté. Alors l'ange leur dit en secret : Bénissez le Dieu du ciel et glorifiez-le devant tous les hommes, parce qu'il a fait éclater sur vous sa miséricorde. Car il est bon de cacher le secret du roi, mais il est honorable de révéler et de publier les œuvres de Dieu. La prière accompagnée du jeûne est bonne, et l'aumône vaut mieux que d'amasser des monceaux d'or. Car l'aumône délivre de la mort, et c'est elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Mais ceux qui commettent le péché et l'iniquité sont les ennemis de leur âme. Je vais donc vous découvrir la vérité. Et je ne vous cacherai point une chose qui est secrète. Lorsque vous priez avec larmes et que vous ensevelissiez les morts, que vous quittiez votre repas et que vous cachiez les morts dans votre maison durant le jour pour les ensevelir pendant la nuit, j'ai présenté votre prière au Seigneur. Et parce que vous étiez agréable à Dieu, il a été nécessaire que la tentation vous éprouvât. Et maintenant, le Seigneur m'a envoyé pour vous guérir et pour délivrer du démon Sarah, la femme de votre fils. Car je suis l'ange Raphaël, l'un des sept qui nous tenons à la présence du Seigneur. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, ils furent troublés et saisis de frayeur, ils tombèrent le visage contre terre. Et l'ange leur dit : La paix soit avec vous. Ne craignez point. Car lorsque j'étais avec vous, j'y étais par la volonté de Dieu. Bénissez-le et chantez-le. Il vous a paru que je mangeais et que je buvais avec vous, mais je me nourris d'un mets invisible et d'un breuvage qui ne peut être vu des hommes. Il est donc temps que je retourne vers celui qui m'a envoyé. Pour vous, bénissez Dieu et publier toutes ses merveilles. Et lorsqu'il eut ainsi parlé, il disparut de devant eux, et ils ne purent plus le voir. Alors, s'étant prosternés le visage contre terre pendant 3 heures, ils bénirent Dieu, et s'étant levés, ils racontèrent toutes ses merveilles. Fin du chapitre 12.